chose, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Toi qui prépares ton mariage, ne te fais pas de soucis parce qu'il y a encore beaucoup de choses que tu n'as pas encore achetées. Tu n'as pas encore ta robe de mariée, tu n'as pas encore de chaussures. J'aimerais te dire, parce que tu t'es confié à celui qui s'appelle Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoira. Il va pourvoir tes besoins. Ne te fais plus de soucis, commence à louer le Seigneur parce que ton mariage sera exceptionnel. Ton mariage sera glorieux parce que tu te confies en l'Éternel. Bannis le souci et tu verras la gloire de Dieu. Réveille-toi, réveille ton voisin, vous, ceux qui sont mariés. Réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier, nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Marc chapitre 2, 13 à 17. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 2, 13 à 17. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bord des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi s'éleva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. » Nous allons partager trois vérités importantes qui vont inspirer nos prières d'aujourd'hui. Voici la première vérité. Jésus n'appelle pas que des chômeurs à le suivre. Il appelle également des gens qui sont occupés. Il peut appeler un militaire à pouvoir le suivre et le servir. Il peut appeler un directeur d'entreprise. Il peut appeler un commerçant. Je veux parler à quelqu'un. Ça fait longtemps que tu étais ancien de l'église. Oui, tu as un diplôme en finance et comptabilité. Mais toi, tu te dis, non, moi, je suis là seulement comme ancien de l'église. Je suis là seulement pour jouer le rôle de diacre. Mais le Seigneur peut t'appeler. Il te dit que tu dois entrer dans une autre dimension. Il t'appelle dans une autre dimension de ministère qui peut t'appeler même à démissionner, à laisser ce que tu fais. Est-ce que tu comprends? C'est ça. Il y a des fois où nous voyons que des choses ne marchent pas dans notre travail au niveau professionnel, ça peut être un signe que Dieu t'appelle à un autre ministère ou à un autre endroit. Regardez ce qui se passe ici. Jésus, il sort du côté de la mer et il voit un certain Lévi. L'autre nom de Lévi, c'est Matthieu. On dit qu'il était assis au bureau des péages. C'est-à-dire, c'était un fonctionnaire. C'était un publicain. Les gens qui étaient comme aujourd'hui l'équivalent de la direction des impôts ou des douanes. Quelqu'un qui avait un bon salaire, on peut le supposer. Il avait un bureau. Ce n'était pas un chômeur. Il avait un profit de carrière. Mais Jésus le trouve. Il lui dit, suis-moi. Est-ce que Jésus lui a demandé d'adresser une lettre de démission ou bien de mise en disponibilité? Ça, on ne sait pas. Mais le texte dit seulement, il lui dit, suis-moi. Il ne s'occupe pas pour dire qu'est-ce que tu es en train de faire ici, est-ce que ce travail-là, tu vas continuer ou pas. Il lui dit, suis-moi. Ça veut dire qu'il a détecté en cet homme qu'il avait un potentiel, que ce à quoi Dieu l'avait appelé, ce n'était pas de rester toute sa vie en train de faire ce travail-là. Je vais parler à quelqu'un. Est-ce que tu sais que parfois Dieu nous appelle de manière transitoire? C'est-à-dire que le travail que tu es en train de faire là au bureau, ça peut être un travail transitoire. C'est-à-dire que Dieu t'a appelé juste pour un temps. Ça fait 10 ans que tu es là. Il y a un moment donné où Dieu peut faire, il peut te dire comme il a dit à Lévi, suis-moi. C'est-à-dire, maintenant, je t'appelle à une autre dimension du travail. Il peut t'appeler comme prophète, comme évangéliste, comme missionnaire pour aller gagner les âmes partout dans le monde. Il appelle Lévi, dit, suis-moi. Regardez, il y a 2 choses que Lévi a faites. Il s'est levé et il est suivi. Il est dit, Lévi s'éleva. Tu vois, le verbe s'élever, ça suppose que quelqu'un, tu es assis quelque part. Tu dois bouger. Je vais parler à quelqu'un. Ça fait longtemps que tu es là, couché dans le souci, couché en train de chercher l'argent. Tu dis, moi, je vais me battre en train de faire commerce. Tu es là. Le Seigneur te dit, lève-toi. Lève-toi, il faut bouger maintenant. Il faut bouger. Moi, je ne t'ai pas appelé toute ta vie à faire ce que tu fais là-bas. Il faut que tu discernes ce à quoi Dieu t'a appelé. Il dit, il s'éleva et le suivit. Suivre Jésus ici suppose faire ce que Jésus devait lui demander. C'est-à-dire que le Seigneur l'a appelé à un ministère d'apôtre. Vous voyez? 2e vérité. Jésus est venu pour sauver les gens de mauvaise vie. Le publicain. Ça, nous devons le savoir. Parce qu'il y a des gens qui ont une attitude un peu extrémiste. Il est vrai que lorsque nous quittons le monde, nous ne devons plus revenir dans le monde pour vivre selon le monde. Mais lorsque nous y revenons, c'est pour accomplir une mission, c'est pour annoncer le message de l'amour de Dieu, pour que les gens du monde soient sauvés. Vous voyez, nous devons comprendre cela. Nous voyons le modèle de Jésus ici. Il est dit au verset 15, comme Jésus était à table dans la maison de Lévi. D'abord, vous voyez, cet homme Lévi, c'était un publicain. Les publicains étaient des gens qui étaient considérés comme des voleurs parce qu'ils prélevaient des taxes, ils prélevaient plus qu'il les fallait. Quand on dit que quelqu'un était publicain, ils avaient une mauvaise réputation. Mais ce publicain-là, que Jésus a choisi pour le servir, il était transformé. Et Jésus entre chez lui. Et regardez ici. On dit beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples. Je vais parler à quelqu'un. Tu travailles dans une organisation internationale. Tu travailles au niveau des impôts, au niveau des douanes. Vous savez toutes les pratiques que vous étiez en train de faire. Il y a beaucoup d'amis qui sont encore dedans. Toi, Jésus t'a tiré de là. Je vais parler à quelqu'un. Tu es commandant au niveau de l'armée. Tu es policier. Tu es capitaine. Tu es commissaire de police. Tu connais des pratiques qui se font dans ce milieu-là. Mais toi, tu as eu la grâce de connaître Jésus, de comprendre la vérité. Mais maintenant, tu vois, il faut faire comme Lévi. C'est-à-dire que tu invites tous tes amis, leur donner une occasion pour qu'eux aussi soient en contact avec Jésus. Tu peux organiser par exemple un dîner, vous voyez, tu invites ces amis-là, tu invites un homme de Dieu pour qu'ils puissent annoncer l'évangile, tu vois. Tu as de l'argent, tu es DG d'entreprise, tu connais tes amis avec lesquels tu étais dans un mouvement mystique. Mais maintenant tu as la grâce de comprendre, de connaître la vérité, la lumière. Que fais-tu? Il faut donner l'occasion à tous ces amis de mauvaise vie. Ces amis avec lesquels vous trompiez vos femmes pour qu'eux aussi soient en contact avec l'évangile. Vous voyez, c'est ce que Lévi a fait. Et Jésus, lui qui est venu pour chercher, sauver les gens de mauvaise vie, il n'a pas dit, moi je ne vais pas manger avec vous. Il leur a transmis les messages, l'amour de Dieu. Parfois, le fait de côtoyer ces gens de mauvaise vie, s'approcher seulement d'eux pour leur parler, c'est une démonstration de l'amour. Mais remarquez que Jésus n'a pas dit, bon, je vais manger avec vous pour que je commence à voler comme vous le faites. Non, il était avec eux à table, c'est pour leur communiquer le message transformateur de l'amour de Dieu. Vous voyez, c'est ça notre mission. David nous dit, beaucoup de publicains, des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. C'est-à-dire, c'est à partir de Lévi, à partir de Matthieu, qui étaient leurs collègues. Quand ils ont vu comment Matthieu a suivi Jésus, ils ont vu comment la vie de Matthieu était transformée, qu'il ne volait plus comme eux, ils étaient interpellés. Vous voyez l'exemple à suivre. 3e vérité, nous devons bannir à notre sein l'esprit des scribes et des pharisiens. L'esprit des scribes et des pharisiens, c'est cet esprit de jugement. Parfois que nous trouvons dans les milieux chrétiens, il y a des gens qui passent tout leur temps en train de juger les autres. Pourquoi celui-ci a fait cela? Pourquoi tel frère a fait ceci, cela? Pourquoi il a fait ceci? Non, il est mauvais. Celui-là. Donc, ils ne font que juger, parfois même sans comprendre. C'est l'esprit des scribes et pharisiens. Regardez la réaction des scribes et des pharisiens. Ils veulent même juger Jésus. Vous voyez, un homme là. Un homme mortel. une créature qui veut juger son créateur. Vous voyez, ça c'est l'esprit des scribes et des pharisiens. On dit, les scribes et les pharisiens, les voyant manger avec le publicain et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Heureusement que Jésus avait une réponse. Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. En réalité, il voulait leur dire, vous croyez juste. Mais moi, je suis venu pour les pécheurs. Oh, quel message merveilleux. Jésus est venu pour sauver les sorciers. Je vais parler à toi qui depuis longtemps, tu es dans la sorcellerie. La nuit, tu ne dors pas. Hein? On t'oblige d'aller manger des viandes humaines. Tu es fatigué avec ce travail-là. Je suis venu parler à toi. Ça fait longtemps que tu trompes ta femme. Tu trompes même ton mari. Tu vis dans l'hypocrisie et ça t'amène des problèmes. Oh, je suis venu te dire que Jésus est venu pour te sauver. Il est venu pour te chercher. Il faut que tu changes de vie parce que Jésus t'aime. Gloire à Dieu. Je voudrais que nous puissions chanter ces cantiques pour bénir le nom du Seigneur. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, oh Seigneur, je te remercie. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia, qu'il est digne d'être célébré, il est digne d'être loué. Nous allons tous ensemble lui dire merci, nous allons bénir son Saint-Nom. Chacun de nous va voir comment le Seigneur l'a tiré, d'où le Seigneur t'a tiré, il t'a pardonné, il t'a délivré. Dis-lui merci et bénis son Saint-Nom. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, toi le Dieu qui nous a pardonné et qui nous a délivrés. Nous t'élevons, notre Seigneur, toi le Dieu qui nous a appelés et qui nous a établis. Merci, toi qui as offert Jésus pour le salut de l'humanité. Nous bénissons ton nom, ô notre Seigneur, notre Dieu, toi qui sauves le pécheur. Oui, ta parole nous dit que Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Père, merci de nous utiliser comme des instruments entre tes mains pour sauver les autres. Nous bénissons ton nom, ô notre Dieu, notre Seigneur, toi le Dieu qui transforme les pécheurs. Sois magnifié, ô notre Père, toi le Dieu qui sauve et qui guérit même les gens de mauvaise vie. Nous t'élevons en ce moment et nous te glorifions. Toi le Dieu plein d'amour, le Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à l'émission OSB. Opération sur la brèche. Nous prions selon les Saintes Écritures. Aujourd'hui, notre passage de base, c'est Marc chapitre 2, versets 13 à 17. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir que Jésus peut appeler des gens qui sont occupés. Des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires internationaux, des directeurs d'entreprise, des commerçants. Le Seigneur peut t'appeler comme il a appelé Lévi. Et quand Dieu t'appelle, ne résiste pas. Nous allons prier parce que pendant que je parle, il y a certaines personnes qui luttent avec l'appel divin. Nous allons prier pour que Dieu leur donne la souplesse d'obéir à la direction divine et de faire comme Lévi qui s'est levé et qui a suivi Jésus. Peut-être que toi, tu m'entends, tu es dans ce cas-là. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, nous te louons, nous invoquons ton nom. Nous faisons connaître ton nom parmi les peuples. Nous faisons connaître parmi les nations tes hauts faits. Nous chantons des cantiques en ton honneur. Nous parlons de toutes tes merveilles. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce au Père éternel ce matin parce que tu nous donnes une fois de plus le privilège de te louer et de te glorifier. Et nous prions pour tous ceux que tu as appelés, ceux que tu appelles à te servir à plein temps ou à temps partiel, ceux à qui tu demandes de renoncer à leurs activités pour te suivre à plein temps. Nous prions au Père éternel et nous demandons que par ton Esprit Saint, tu fasses à ce qu'ils soient sensibles à cet appel, qu'ils ne luttent pas, qu'ils ne résistent pas contre cet appel. Père éternel, nous demandons que tu leur accordes la souplesse d'obéir à la direction divine. Accorde-leur la souplesse, comme tu l'as fait avec Lévi. Il a tout abandonné pour te servir. Père, en ces temps mauvais, en ces temps difficiles, tu as besoin de personnes que tu vas outiller, que tu vas équiper et envoyer pour proclamer ton évangile, participant ainsi à l'expansion de ton royaume. Nous prions pour tous ceux qui répondent à cet appel, que tu leur accordes la grâce, que tu les sécurises, que tu les protèges et que tu leur donnes la capacité, le zèle pour renoncer à certaines choses et te suivre avec efficacité. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié et avec action de grâce et assurance. Amen. Amen. Nous venons de voir que Jésus est venu pour sauver les gens de mauvaise vie, les voleurs, les ivrognes, les prostituées, tous ceux qui se livrent à toutes sortes de compromissions. Si tu as peut-être un ami, tu as un mari, tu as une femme, tu as un parent, un chef d'entreprise, ton directeur, il a une mauvaise vie. Ce que tu peux faire, c'est d'abord de prier pour lui. Deuxièmement, de créer des conditions comme Lévi pour qu'il puisse aussi entendre l'évangile et qu'il change de vie. Prions le Seigneur pour qu'à travers nous, ces hommes soient sauvés. Sois béni ce matin. Louange à toi, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, le Roi des Rois, le véritable Dieu, le Maître des temps et des circonstances, celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et les choses viennent à l'existence. Merci, tu nous as sauvés, tu nous as donné une nouvelle vie. Nous avons des parents, nous avons des amis, nous avons des chefs hiérarchiques. Nous avons des personnes qui nous coûtent cher, mais qui ont des mauvaises vies. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous incliner devant toi, nous jeter dans la poussière, lever les mains vers toi, te demander ce matin, te supplier ce matin, que ton esprit touche le cœur de ces personnes, au nom de Jésus de Nazareth. Si c'est nos femmes, nos enfants, notre mari, que ta grâce surabonde dans leur vie, que ta miséricorde les atteigne par nos prières et que leur vie soit changée, que l'onction de ton esprit les visite ce matin, Nous voulons qu'ils soient sauvés parce que tu as dit vous serez sauvés, vous et toute votre famille. Nous voulons les voir sauvés. Nous voulons les voir libérés, nous voulons les voir franchis, nous voulons les voir, ô Dieu, tout puissant, transformé. C'est notre vœu, c'est notre souhait. Et merci parce que tu agis au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons bannir l'esprit des scribes, des pharisiens, cet esprit de jugement. On aime juger les autres, on aime critiquer les autres. Pourquoi ils font ceci? Pourquoi ils font cela? C'est cet esprit qui a fait que ces scribes et pharisiens étaient négatifs, ont jugé Jésus-Christ. Ils ont critiqué en disant pourquoi il mange avec les gens de mauvaise vie. Bien-aimés, prions pour que dans l'église cet esprit soit banni et que nous puissions, que Dieu nous ouvre l'intelligence et que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. Afin que quand un frère, une sœur pose un acte qui est conforme à la volonté de Dieu, que nous puissions l'encourager et non le critiquer et non mettre les bâtons sur les roues. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Béni sois-tu le Très-Haut, béni sois-tu le Ressuscité, béni sois-tu l'Alpha et l'Oméga. Je suis et ton nom ce matin, je proclame ta seigneurie, je proclame ta grandeur, je proclame ta dignité sur nos vies, sur nos familles, sur notre entreprise, sur nos enfants. Je proclame que ton nom est tout puissant, ton nom règne, ton nom est vivant. Merci parce que chaque jour que tu fais, nous parlons, nous posons des actes. Seigneur, je veux croire qu'à partir de maintenant, que nos actes parlent, que nos actes soient des actes positifs, qui font concourir à ton royaume, qui font avancer ton royaume, qui appellent des âmes à la conversion, qui appellent des âmes à l'édification, qui appellent des âmes à la transformation et à la restauration. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu réalises en nous que nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des fils et nous sommes tes représentants. Et qu'en tout point de vue, en tout temps et en tout lieu, nous devons te ressembler par nos paroles, par nos actes, par nos pensées. Éternel, libère ton feu sur chacun de nous et que nous revenions à toi pour toutes nos mauvaises actions. Que cela soit dissipé par le feu de ton esprit. Sanctifie-nous, libère quelqu'un de ses mauvaises pensées, de ses mauvaises idées et donne-nous de marcher de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite. Car tu es un Dieu tout-puissant qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Nous voulons rappeler que nous attendons notre grand rendez-vous de l'année. C'est le samedi 26 décembre. Nous serons tous à Abidjan, à l'église Assemblée de Dieu d'Adjamé. Nous appelons cette grande rencontre spéciale OSB d'Action de Grâce, où chacun de nous viendra dire merci à Dieu. Le thème, c'est « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. » C'est lui qui t'a réveillé chaque matin avec OSB. Il t'a requinqué. Oh, ta vie de prière est devenue dynamique. Il t'a béni. Ces jours-là, il faut venir lui dire merci. Nous allons commencer à 9h jusqu'à 13h. Mais je voudrais rappeler que le dimanche, nous aurons notre rencontre Bonheur Conjugal, où nous allons poursuivre notre thème « Comment éviter les mauvais départs pour réussir votre mariage? » Oui, l'entrée est gratuite. Ce sera dans la même cour que la radio fréquente vie à 17h au Supper. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain.